nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1973, Luc Moulet est un cinéaste endetté qui a des difficultés à diffuser son dernier film, Une aventure de Billy le Kid. Un beau jour de cette année-là, il reçoit sur son compte en banque la somme de 88 000 francs, petit pactole destiné au minotier Moulet Frère, installé à quelques kilomètres de chez lui, et qui, par la grâce d'une erreur de saisie informatique, se retrouve sur le compte en banque de sa société de production, Moulet et compagnie. Largement de quoi financer un nouveau film. Ce sera « Anatomie d'un rapport » réalisé avec sa compagne, Antonietta Pizzorno, autopsie mordante, burlesque et tragique de la vie amoureuse d'un couple qui n'arrive pas à prendre son pied. En 1976, au moment de la présentation du film au Festival de Cannes, Claude Jean-Philippe, accompagné par Luc Béraud, s'était entretenu avec Luc Moulet et Antonietta Pizzorno, qui lui racontaient la genèse, le tournage et l'esprit de ce film qui reste parmi les plus fameux de son auteur. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture, au moment de la sortie en salle du film, le 26 septembre 1976. C'est parce que les plus grandes surfaces publicitaires et rédactionnelles sont consacrées aujourd'hui à d'autres films qu'il nous a semblé utile de faire, pendant 45 minutes, l'éloge de la pauvreté et celui de la sincérité à partir du moment où elle se veut scrupuleusement exacte. L'enregistrement qui va suivre a été réalisé au Festival de Cannes 76, où Luc Moulet avait montré son film dans une toute petite salle, très loin du Grand Palais, une petite salle au siège dur et à l'écran fripé. Ce film s'intitule « Anatomie d'un rapport ». C'est le dernier film de Luc Moulet, après « Brigitte et Brigitte »,« Les contrebandières », »,« Une aventure de Billy le Kid ». Ce n'est pas exactement mon dernier film, c'est un film que j'ai fait en collaboration avec Antonietta Pizzorno. C'est la première fois que ça m'arrive de faire un film en collaboration. Bon, alors, ce film a été présenté d'abord au Festival de l'Humour à Avoria, c'est ça? Oui, il a été présenté également au Festival de Paris, hors compétition, dans une salle de la ville, et puis dans des endroits divers, pour une séance. Alors, Luc Béraud, d'abord, je te présente. Il faut savoir que tu es réalisateur de court-métrage et que tu as collaboré au scénario du film de Claude Miller qui est La meilleure façon de marcher. C'est ça. Et je t'ai rencontré dans la rue d'Antibes, comme on rencontre les gens au Festival de Cannes, et tu m'as dit que le film de Moulet était finalement, à tes yeux, un des meilleurs films du festival. Sinon le meilleur, tu m'as dit. Enfin, moi, j'ai deux films, c'est Oshima et Moulet, ouais, qui sont d'ailleurs deux films sur la sexualité douloureuse, disons. Mais moi, ce qui m'intéresse énormément dans le film de Moulet, c'est que, une fois de plus, il prend des contre-courants de ce qui se fait. C'est-à-dire que le film, c'est un film sur le contre-coup de la libération de la femme. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un couple dans lequel la femme se libère ou s'est libérée, notamment sexuellement, et c'est tout ce qui arrive sur l'homme. C'est pas du tout un film antiféministe ni rien, c'est simplement le résultat de la libération de sa compagne sur Moulet, puisque c'est lui-même qui joue, et je trouve ça tout à fait intéressant. Le film débouche sur une espèce d'impasse, c'est-à-dire que si la femme est libérée, l'homme devient complètement, presque aliéné. Oui, alors, il y a une chose qu'il faut dire, parce que les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément vu ce film dans les rares projections qui ont eu lieu. C'est que Moulet joue un rôle qui est pratiquement son propre rôle, et que il a cette inconcevable audace de se filmer lui-même dans des circonstances où personne ne s'est jamais filmé jusqu'à présent, c'est-à-dire faisant l'amour Ben oui, alors moi je suis toujours très sensible à ce genre de choses. Je trouve d'ailleurs de toute façon que c'est toujours quand un metteur en scène joue dans son film, il prend toujours une place privilégiée que je trouve très souvent tout à fait passionnante. Et je crois que tu n'avais pas beaucoup fait l'acteur avant. Mais enfin, et de toute façon, alors là ça renvoie complètement au truc de Leiri, c'est-à-dire la littérature considérée comme tauromachie. Et là c'est ça, c'est-à-dire que ça consiste, le travail de Moulet consiste à tout le temps se mettre sur la brèche de façon à s'offrir à la critique et à s'interroger lui-même et à aller plus loin. Alors, la première fois que j'avais entendu parler du film de Moulet, c'était une émission de Bouteiller à la radio, où il avait passé un passage comme ça du film, et ça m'a rappelé, j'avais autrefois des disques de Pagnol, de Fernandel, comme ça. Il y avait le discours du Spoons, par exemple. Ouais. Et j'ai retrouvé tout d'un coup la même émotion, c'est-à-dire un texte qui passe, comme ça, complètement, et qui se renvoie à lui-même, c'est-à-dire sur la construction, sur le jeu des mots, sur les glissements des mots, il y a des choses comme ça. Alors, dès que j'ai entendu ça, j'aimais beaucoup les films de Moulet, j'ai eu envie de le voir. Et le film m'a aussi fait penser à un film de Pagnol, c'est-à-dire un film sur de dialogue, de texte, c'est-à-dire un film sur les visages. Parce que le film, c'est des gros plans, c'est des choses comme ça. Et c'est, je trouve, bouleversant de voir le changement sur un visage qui se fait avec un texte qui naît comme ça. En plus, je crois qu'il était quand même très écrit, le film, non ? Il était très écrit, à part certaines séquences qui étaient conçues au départ pour être improvisées. Lorsque les séquences sont assez longues, elles sont forcément improvisées, parce que on n'a pas la possibilité d'apprendre un texte et de le reproduire de façon intéressante, si c'est-à-dire plusieurs minutes. Mais par exemple, le texte d'anthologie là, de l'histoire du virement postal des armes au Chili et tout ça, c'était, celui-là, c'était très écrit. Ça. Celui-là était écrit, oui. C'est ça, oui. Hein. Il y a eu quelques petites modifications comme ça, mais très très peu. Ouais. Mais il faut rappeler ce que c'est, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que ce texte, enfin, grosso modo. C'est grosso modo, enfin, non, je crois que Moulet le racontera mieux. Eh bien, donc j'ai fait un film, ça m'intéressait de faire un film aussi conforme que possible à la vérité, donc de raconter l'histoire de mes rapports avec mon amie, et elle aussi raconter ses rapports avec moi. Et parallèlement, il était intéressant de dire comment le film avait pu se réaliser financièrement. Donc j'expose les sources de financement du film dans le film lui-même, grâce à un hasard qui nous est tombé du ciel. C'est-à-dire un faux virement bancaire. C'est une erreur d'ordinateur, oui, qui a permis la réalisation du film. C'est le mode d'ailleurs de financement le plus sûr actuellement. Non, avec l'avance sur recette. Je croyais que c'était une invention, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Il s'est réellement passé que quelqu'un vous a viré 7 millions par erreur. C'est une faute d'ordinateur. Et ça arrive souvent, mais pas toujours pour des sommes importantes. Mais j'espère bien avoir une autre erreur prochainement et pouvoir commencer mon prochain film dans les délais les plus brefs. C'est-à-dire que c'est l'ordinateur de la banque qui s'est trompé au point de vous donner de l'argent. C'est ça, oui. Non, ce qui est formidable, bon, c'est qu'il y a ce truc de le film, la séquence part là-dessus, et puis ça débouche sur l'existence de Dieu. Alors Moulet en arrive à prouver que Dieu existe, mais comme il n'y croit pas, donc Dieu n'existe pas, puisqu'il ne peut pas y croire, et pourtant c'est lui qui a fait le virement. Enfin, ça, c'est... Oui, puis il est mort quelques instants plus tard, c'est ça. C'est ça, voilà. Dieu est mort quelques instants plus tard. Il a vécu que le temps de faire l'erreur de virement. Ouais. C'est une manière de ramener la métaphysique à des choses beaucoup plus précises, c'est-à-dire que Dieu est mort en quelques secondes, quoi. Ouais. Il y a aussi un discours sur le cinéma dans le film que je perçois pas très bien, mais qui étant moi-même cinéaste et ayant connu aussi les transports de bobines et tout ça, je trouve une scène admirable où Moulet se promène avec une bobine de film et se rend compte avec horreur que les bouches d'égout sont en fait ont la même grandeur que les bobines de film. Effectivement, ça ressemble à des bouches qui mangeraient les bobines, les boîtes, et il y a ces fantasmes qui passent, la boîte qui tombe dans l'égout et tout ça, qui sont assez intéressants. Même le cinéma procède, même le vélo procède du cinéma, puisque c'est un vélo CNC, c'est ça? Ça intercale, d'ailleurs, la scène des bobines et des bouches d'égout a des références par rapport à l'action principale. Oui, bien sûr, puisqu'il y a le sexe sorti, le sexe rentré. Oui. Alors, il faut rappeler quand même qui est Luc Moulet, parce que tout le monde n'a pas vu ses films. Alors, reprenons depuis le début, il y a Brigitte et Brigitte. Il y a les courts-métrages aussi qui sont importants. C'est-à-dire le gars de Paname et la fille. La fille de Paname et le gars de Padoue. Oui. Il y a Un steak trop cuit. Ah oui, oui. Mmh. Et Terre noire. L'un est un film burlesque, Un steak trop cuit. L'autre, un documentaire social. Et le troisième, une sorte de fable. Pas tellement réussi d'ailleurs, selon la plupart des avis. Mais... Ensuite, il y a Brigitte et Brigitte qui arrivent dans le quartier latin au moment où le quartier latin est en pleine ébullition. C'est avant l'ébullition. C'est juste avant. Deux ans avant, oui. Mais ça correspond bien, d'ailleurs, on sent bien, dire, d'une certaine manière, Brigitte et Brigitte revue aujourd'hui serait sans doute un très très bon document, tout compte fait, sur le quartier latin de cette époque-là. Oui, à condition de savoir que c'est un film historique qui prend des dates précises vers les années 60-65, mais deux ans après, c'était totalement changé, donc il ne faut pas le situer par rapport à la période où nous vivons. C'est ça, bien entendu, oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est un document sur cette époque-là. Oui. Ensuite, après Brigitte et Brigitte, il y a Les Contrebandières, si je ne me trompe. C'est ça, oui. Alors, Les Contrebandières, Luc Béraud. Je sais pas, moi j'ai un peu oublié, mais c'est un film qui m'avait beaucoup, beaucoup touché. Enfin, touché, non, parce que c'est un film de Moulet, ce n'est pas des films particulièrement émouvants, peut-être, sauf le dernier, peut-être. Mais c'est un film qui était une espèce de joie intellectuelle. C'est un film d'aventure qui est, où l'aventure était tout le temps minée, je crois. C'est ça, hein? Oui, c'est un film plus personnel que les autres, et je crois que c'est peut-être le film le plus intéressant ou le moins inintéressant que j'ai réalisé, parce qu'il doit finalement assez peu à des influences extérieures comme les autres films. On doit toujours à l'extérieur quelque chose, on a toujours été influencé, on retrouve certaines influences ou certains parallèles. On a comparé le film moi-même d'ailleurs à Rob Grier. Mais c'est ce qu'il y a de plus personnel que j'ai pu faire. De la publicité du film que tu avais faite, c'était le meilleur film de Rob Grier. Oui, c'est ouais. Assez juste comme formulation. Bien, on va lui accorder un droit de réponse. Et puis après, attends, qu'est-ce qu'il y a, il y a eu Billy the Kid. Ah oui, alors Billy the Kid, moi j'aimerais bien en parler moi-même, parce que c'est un film qui, moi, personnellement, me touche beaucoup, parce que je trouve que c'est un vrai grand film lyrique français, ce qui est tout de même assez rare. Mais c'est peut-être pas comme ça que tu le vois, toi, Luc. C'est un film qui a plusieurs aspects, notamment celui d'être un film lyrique. Il ne l'est pas tout de suite, c'est-à-dire que dans la première partie du film, il y a des choses conventionnelles. Il y a des choses conventionnelles qui sont minées, comme dit Béraud. Il y a une part de comique qui elle-même se divise en plusieurs formes de comique, soit comique parodique, soit comique de contraste, soit des formes de comique plus différentes. Et puis, il y a un certain lyrisme qui surgit surtout dans la dernière demi-heure où j'ai voulu montrer un univers... Disons, tout à fait en dehors du commun. Un univers qui est fondé sur les sentiments, c'est les sentiments qui dirigent la nature. Si vous voulez, on voit un paysage, et puis on montre l'action des gens sur ce paysage. La fille qui déforme le paysage tel que le voit le garçon, ou le paysage dans lequel il marche, en fonction même de ses sentiments. Oui, et ce qui donne, à l'arrivée, pour un spectateur comme moi, un très grand sentiment de rêverie, enfin un très grand sentiment de... Moi, je conserve de ce film un sentiment très exactement poétique, enfin, et qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler peut-être Terre Noire, d'une certaine manière, non par ce côté paysagiste que tu as parfois, enfin... Oui, le paysage a des usages différents dans les deux films, puisque le premier est un documentaire peut-être subjectif, où je montre ce que je ressens vis-à-vis de ce paysage, mais je cherche à décrire une réalité sociale, et cette réalité telle qu'on la ressent. Tandis que dans Une aventure de Billy the Kid, le paysage est une sorte de prolongement des pensées et des sentiments des personnages qui... Ces sentiments dominent et transforment les lieux. Alors là, moi, je trouve qu'il y a une sorte de scandale, c'est que Billy the Kid n'a jamais été diffusé en France. Mmh. Alors que les autres films ont eu une diffusion du genre quartier latin, enfin, du genre art et essai, comme on dit, Billy the Kid n'a jamais été diffusé en France. Mais alors, tu m'as dit l'autre jour que, curieusement, il avait une grande diffusion dans les pays du tiers-monde. Oui, en Afrique noire, ça fait souvent des salles combles. Également dans le sud-est asiatique, et je crois qu'en Amérique du Sud, il ne doit pas marcher si mal. Et c'est assez normal, parce que les films français ne marchent pas tellement en France, enfin au niveau des films d'auteur, je veux dire, puisque il y a un certain exotisme qui commande l'intérêt pour le cinéma. Par exemple, à New York, les gens se précipitent dès qu'il y a un film français sous-titré, parce que c'est français, parce que c'est pas parlé en anglais. Et ce snobisme de l'exotisme ne joue pas forcément pour les films français en France. Il peut jouer pour un film tchèque, un film hongrois. Un film japonais. Un film japonais, des fois avec beaucoup de bonnes raisons, des fois sans raison. Mais pour les films français, il y a une certaine hostilité, ce qui fait que... on fait des films à 80% ou à 90% pour l'étranger, et parfois même à 100%. Et d'autre part, les intermédiaires français prennent avantage de leurs privilèges, comme la France est une plaque tournante importante, pour faire payer le producteur ou le réalisateur du film lorsqu'ils prennent un film. Il faut souvent payer la salle et payer tous les frais de sortie, ce qui est souvent impossible et quand même parfois immoral. Alors que lorsqu'on cède un film aux Philippines ou en Afrique, on a des rapports normaux avec les gens qui exploitent le film, alors que c'est le contraire en France. Oui, alors justement, ces problèmes financiers indiquent bien que tu fais tes films comme producteur, et que tu as une réputation un peu mythique comme ça dans le milieu des amateurs de cinéma, Moulet l'artisan. Enfin, que faut-il en penser de cet artisanat? Oui, ça n'est pas un artisanat au sens spécifique du mot, parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait exactement le film avec ses mains, comme un peintre fait une toile avec ses mains. Mais dans l'esprit du mot, c'est ça. Mais c'est le cas pour énormément de cinéastes. Ça, je ne suis pas tout seul à faire comme ça. Même sur des productions plus ambitieuses, c'est ça. Non, mais il faut dire aussi que tu as eu une importance, disons, souterraine sur aussi tous les gens qui essayent de faire des films, qui sont obligés de passer eux-mêmes à la production, puisque tu avais fait un petit bouquin, Le Petit Moulet Illustré, je sais pas quoi. Je l'ai jamais eu entre les mains, mon moment à parler, qui était un petit guide pour monter une maison de production à peu de frais, puisque, bon, pour faire une maison de production, il y a des impératifs de dépôt de capital et des choses comme ça. Et il avait donc fait un petit truc, René Hotté, qui se vendait en plus. Oui, qui se vend très cher. Pour apprendre à faire soi-même ses films. Oui, ce qui finalement a peut-être été à l'origine de ce cinéma, comment dire, parallèle, de ce cinéma de gens qui considèrent la difficulté comme résolue, c'est-à-dire qui décident de faire le film, de toute façon, c'est ça? Absolument, absolument, et il y a beaucoup de films qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'on fait le film d'abord, enfin on décide de le faire de toute façon sans se préoccuper de convaincre un producteur, de convaincre tous les gens qu'il faut convaincre quand on décide de monter une affaire, comme on dit. Oui, je n'ai pas été le premier à inaugurer ce système. On peut remonter peut-être à 40 ou 50 ans pour trouver l'origine. Mais le succès de Brigitte et Brigitte, effectivement, a pu déterminer certains à faire des films dans les mêmes conditions. Par la suite, ça a été encore rendu plus facile par l'intrusion des formats réduits et certaines conditions de travail. Donc c'est devenu un peu la loi maintenant. Moyennant quoi, on le voit bien dans le film, à moins que ce soit accusé par le film, tu vis dans une très grande pauvreté. Oui, ça dépend des moments. Il y a des hauts et des bas, mais je dois dire que l'existence du cinéaste, bien souvent, est une existence assez pauvre. Enfin, dans ses conditions matérielles. C'est-à-dire qu'on te voit au marché, avant le chèque providentiel, enfin avant le virement providentiel, on te voit au marché en train de choisir soigneusement les légumes les moins chers. Oui, c'était une époque où effectivement j'étais très fauché, comme on dit. Alors, en général, au cinéma, on est relativement riche avant de faire un film, et une fois qu'on l'a fait, ensuite on devient très pauvre. Et puis au bout de quelques années, après, les dettes se résorbent et on redevient plus aisé. Il y a un cycle permanent, hélas assez long. Si ce cycle était court, ça faciliterait beaucoup de choses. Bon, alors maintenant on en vient au film, c'est-à-dire à Anatomie d'un rapport. Alors on peut le lire de deux façons, c'est-à-dire que on peut le lire comme une confession. Je veux dire comme une confession double, puisque il y a l'autre réalisateur qui est le réalisateur féminin. Mais on peut le dire aussi comme une réflexion sur le cinéma qui prendrait comme sujet les rapports sexuels de deux personnes. Alors, où est le sujet ? Eh bien, il n'est pas limité, de même que dans Billy the Kid, il y a plusieurs tonalités. Ces deux éléments et même d'autres peuvent s'additionner dans nos intentions au départ. Quand on fait un film, j'ai pas tellement l'occasion de faire des films, malheureusement. Eh bien, on cherche à mettre le plus de choses possible. Et le fait qu'elles s'accumulent ne nuit pas à une partie des éléments, ni à l'autre, à mon avis. Alors, donc, ça se situe à divers niveaux, alors, de façon plus ou moins égale. Alors, est-ce que tu pourrais raconter comment l'idée du film a surgi en toi et comment progressivement les choses sont venues, enfin, concrètement, quoi? Eh bien, de façon très rationnelle, c'est-à-dire que, bon, j'ai eu cette arrivée d'argent qui était assez conséquente, mais quand même réduite par rapport à ce dont on a besoin généralement pour faire un film. Donc, je me suis dit, bah tiens, on pourrait faire un film. Qu'est-ce qui coûterait à peu près le prix que je peux dépenser? Le plus simple était de prendre notre vie, puisque on avait tous les éléments, le décor, les personnes, le sujet. En même temps, ça m'avait paru intéressant parce que je venais de vivre une expérience sur un plan sentimental et sexuel que je ne trouvais pas reflétée au cinéma, mais que je ne trouvais guère reflétée en littérature, encore que je me trompe peut-être parce que je ne suis moins la littérature que le cinéma. Donc ça m'a paru très intéressant. Surtout que l'un des buts de la création, comme on dit, est de mettre en avant des choses qui se produisent dans la vie, de les révéler, afin que les gens en prennent connaissance et s'il leur arrive des choses semblables, qu'ils puissent se retrouver, se reconnaître, qu'il y a certains portraits de la vie, ce qui tente à diminuer parce qu'on fait trop le film... avec des stéréotypes psychologiques qui datent des fois de 20 ans ou de 200 ans, tant au niveau des sentiments que de ces situations. Or là, j'avais une situation originale et il m'a paru intéressant de la restituer de façon assez simple. Mais qui suppose tout de même... Est-ce que tu as mesuré le courage qu'il y avait à te filmer toi-même? Oui, il y avait une forme de gageure dans ce film, mais à partir du moment où on sait que c'est une gageure, bon, on se dit, y a qu'à se lancer, on réfléchit avant aux conséquences, et ça s'est passé, ça s'est presque tourné en fonctionnaire, ce film, je dois dire. Un peu par esprit de contradiction, quoi. J'étais le mec qui arrivait à 8h du matin. Enfin, j'arrivais pas parce que j'étais déjà sorti de mon lit pour y rentrer, vous voyez. Mais quand même, il y avait le début du tournage. Ça s'est très bien passé. Remarquez, ça s'est bien passé parce que pour moi, c'était un quatrième film. Ça aurait été un premier film. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais là, j'avais une certaine expérience. Des films qui avaient obtenu un intérêt de la part du public ou des critiques, un intérêt relatif, mais un intérêt certain. Donc, j'avais pas trop la frousse. Je l'ai eu un peu avant. Je crois que j'ai retardé le tournage un peu pour des prétextes. Mais j'ai quand même tourné le film parce que tous ces prétextes, je le savais bien, n'avaient pas de fondement. Comme par exemple... On peut avoir une certaine répulsion à l'idée de tourner nu, mais c'est, disons que c'est une forme d'aberration que d'avoir des scrupules à tourner nu quand le sujet l'exige. Mais il y a aussi une chose qui est assez intéressante dans l'idée du film, c'est que les deux réalisateurs, c'est le réalisateur femelle et le réalisateur mâle, se sont mis entre deux, une actrice, qui d'ailleurs n'est pas une actrice dans le sens le plus traditionnel du mot, c'est une fille qui a déjà tourné dans Billy the Kid, c'est Marie-Christine Kesterberg, qui est une personnalité, disons. Et ce qui est intéressant, c'est les échanges, ou la joute qui se fait entre Moulet contre sa réalisatrice, par le biais de Kesterberg, comme ça. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que Moulet attaque par personne interposée. Enfin, le combat se passe par personne interposée. C'est très intéressant. Et surtout aussi par la personnalité de l'actrice qui n'est pas quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui est et qui oblige, qui renvoie à Moulet un espèce de miroir qui l'oblige lui-même, Moulet peut pas jouer en face d'elle. Il est obligé d'être. C'est pour ça, sans doute, que le film est très fait sur les visages. Et c'est en fonction de la situation, c'est les rapports sexuels et sentimentaux d'un couple. Bien souvent, lorsqu'on vit à Paris, l'action se passe dans une chambre. Étant donné le climat du nord de la France, on ne va pas tellement dans les bois, on y va un petit peu. Un petit peu. Et la plupart de la vie des gens se passe dans une pièce, il faut bien le dire. Alors donc, normalement, il y a des cadrages un peu serrés et... on montre les visages, ce qui est important. J'avais beaucoup pensé à un film de Dreyer qui s'appelle Gertrude, qui est fait sur le texte et qui arrive à révéler les sentiments rien qu'en montrant les gens et le texte qu'ils disent. Et ça avait un peu déterminé mon idée de faire ce film. Oui, mais alors, il y a une chose tout de même qu'il faut dire, je crois, c'est que ce film qui a toutes les apparences de la confession... ne se présente pas du tout comme du Rousseau, enfin, se présente pas du tout d'une façon pathétique, enfin, il se présente pas du tout d'une façon sentimentale, enfin, je veux dire que il y a une espèce de, curieusement, dans le ton même du film, une espèce de très très grande retenue qui fait que c'est supportable. Il y a des moments pathétiques dans le film, on a calculé de façon à les espacer, parce que la situation elle-même a des aspects pathétiques et il fallait les montrer. Mais en même temps, je ne veux pas que le spectateur se laisse emporter par un contact ou un semblant d'identification avec les acteurs. On doit toujours garder la réflexion et il y a un décalage grâce à l'humour qui permet, je crois, cette réflexion. Le pathétique, vous voyez, c'est intéressant s'il est réparti sur certains lieux, parce qu'on le sent à certains instants comme pathétique, et puis ça dure 10-15 secondes, et puis toc, il y a quelque chose qui est tout à fait contraire après, et qui restitue l'équilibre de la vie, et en même temps, qui permet un appel à la réflexion. Et en même temps, parce que moi je me suis aperçu en voyant des films que... assez curieusement, quand un metteur en scène se met lui-même en scène comme personnage, que ce soit lui-même, je veux dire Octave Renoir dans La Règle du jeu, ou que ce soit Fellini par l'intermédiaire de Mastroianni dans 8 et demi, on a l'impression qu'il y a un contraste sidérant entre la réalité même du film et la nature du personnage. Je m'explique. Quand Renoir tourne La Règle du jeu, il fait d'Octave un raté, qui dit d'ailleurs dans une réplique très importante « Je suis un raté ». Rappeler de cette réplique. Et c'est pourtant le film le plus important de Renoir, d'une certaine manière. Enfin, au moment de La Règle du jeu, je crois que Renoir est au plus fort de son génie, au sens de l'invention. Quand Fellini fait 8 et demi, lui aussi entre dans une nouvelle phase de son œuvre et il fait son film le plus libre. Et ce film raconte l'histoire d'un metteur en scène qui ne peut pas faire de film. Donc, il semblerait qu'il y ait une espèce de volonté de l'auteur de se réduire en tant que personnage, enfin de s'amoindrir, de montrer d'une certaine manière le fond de sa misère intime au moment même où en tant qu'artiste il est au plus fort de son talent. Est-ce qu'il s'est produit quelque chose de ce genre dans ce film, dans l'anatomie d'un rapport ou pas? Oui, bien sûr, ça c'est une direction tout à fait normale. D'ailleurs, tout ça fait référence à la phrase de Pascal sur l'éclatement de l'homme et sa misère, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'automatique, je pense. Mais en voulant faire une comparaison un peu audacieuse, mais c'est peut-être la différence entre... Enfin, Renoir, Fellini et Moulet, puis je sais pas qui, c'est peut-être la différence qu'il y a entre Rousseau et Leiris, justement, non? C'est-à-dire qu'il y en a un qui... Rousseau, il y a, comment dire, c'est sans être péjoratif, c'est-à-dire qu'il y a quand même une propension à l'effusion, alors qu'il y a dans les Iris, l'histoire de la tauromachie, c'est une propension, enfin, un désir de mise en danger de soi-même, de mise sur la brèche. et d'ouverture, une espèce de masochisme, disons, qu'il n'y a pas du tout dans les autres. Avec en même temps dans les livres de Léris, avec en même temps une volonté qu'on retrouve alors là, curieusement, chez Moulet, qui est une volonté de s'en tenir rigoureusement au fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Moulet est littéralement incapable d'une affectation. C'est même ce qui rend ses films tellement difficiles. C'est-à-dire que on peut trouver chez tous les metteurs en scène, y compris les plus grands, une part d'affaîtrie, une part d'affectation, une part de coquetterie, qui n'est jamais chez c'est lui. Ça, ouais. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de dire aux gens. C'est cette espèce de degré zéro qu'il y a toujours dans les films de Moulet qui sont basés sur l'évidence. C'est des films de l'évidence, en fait. Alors, comment toi vois-tu tout ça? Enfin, parce que là, on est en train de te faire des compliments. Oui, c'est parce que les films normaux sont fondés sur certains travestissements ou sur certains snobismes. Et on est tellement habitué à cette forme d'expression qu'on ne peut pas accepter une expression directe. On n'arrive pas à la reconnaître. De même qu'aujourd'hui, on n'arriverait pas à reconnaître une façon de vivre totalement simple. Mais j'aimerais que tu t'expliques un peu plus là-dessus. Oui, c'est l'évolution elle-même de la civilisation qui fait ça. On est très conditionné d'abord par le genre de film qui se fait, sans réfléchir au fait qu'il s'agit essentiellement d'un détournement du cinéma à des fins commerciales. Et ça a fait boule de neige. Il y a des formes, des codes privilégiés qui ont commencé vers les années 1905-1915. On a cru que ça, c'était tout le cinéma. Et maintenant, depuis 10 ou 15 ans, on s'aperçoit en fait que c'est une infime partie du cinéma, que ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est une infime partie des possibilités du cinéma qui est 100 fois plus riche que ce qu'on voit. Et on commence à voir, par exemple, une ouverture plus grande du cinéma sur un sujet, le sexe, puisqu'on a été frustré d'une certaine expression sexuelle pendant 60 ans, et on commence simplement maintenant à avoir des résultats intéressants, avec peut-être le premier chef-d'œuvre d'un cinéma sexuel, c'est-à-dire le film d'Oshima que nous avons vu à Cannes ces jours-ci. Mais qui, curieusement, sont des films, le tien et celui de Shima, qui sont à l'inverse des films porno, où les films porno veulent faire croire que la sexualité est une chose heureuse et facile. Ces deux films sont des films tragiques, justement, là-dessus. Oui, de toute façon, au cinéma, je ne pense pas qu'il soit possible vraiment de filmer un bonheur constant. Très peu de cinéastes y ont réussi. C'est le problème d'un cinéaste comme Jacques Demy, de filmer le bonheur. En général, le cinéma, c'est le reflet d'une crise. Alors, dans le film d'Oshima, nous avons deux partenaires qui sont assez heureux dans leur rapport. Hein. Mais qui les mènent. Mais à quel prix? À celui de la mort, à celui de la souffrance. Et là aussi, on a même supprimé nos moments où on était plus heureux en les évoquant simplement au cours du commentaire, en le disant, parce que c'est très difficile à montrer. Ça serait quelque chose de faux à montrer qu'un certain bonheur sexuel complet. Et c'est intéressant de montrer les gens au moment où ils ont des problèmes et la façon dont ils les affrontent. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de pornographie à faire voir le bonheur, justement? Est-ce que dans un film joué comme le tien, même s'il est joué par un biais un peu spécial dont on a parlé, de singer le bonheur, ça serait pas mentir délibérément Mais c'est forcément un mensonge. Tandis que si on montre un couple qui n'est pas heureux, qui a des problèmes, on restitue quand même les conditions des acteurs au moment du tournage, parce qu'il est extrêmement rare que deux acteurs, lorsqu'ils tournent, puissent arriver en même temps à un orgasme, à un plaisir complet. Donc, on restitue vraiment l'atmosphère obligatoire du tournage. C'est comme j'avais expliqué avant tournage pourquoi il ne pouvait pas y avoir un film fondé sur l'orgasme. C'est parce que la longueur des bobines est trop courte pour permettre ça. Donc Kodak, une fois de plus... Enfin, c'est un détail amusant, mais qui reflète bien que les limitations même du cinéma Et je pense que c'est intéressant de coïncider avec ces limitations pour donner, pour lui donner une certaine réalité, un certain fondement à ce cinéma. Donc on retrouve là le deuxième sujet que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un film qui reflète une histoire personnelle, une histoire vécue, mais qui est en même temps une réflexion sur le cinéma. Et j'irai plus loin en disant qu'il me semble que, et c'est d'ailleurs dit dans le film, donc il ne me semble pas, c'est vrai, que le ton même du jeu est un ton décalé. C'est pas du tout un ton qui se veut vériste ou naturaliste. Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, ce sont des intellectuels qui sont les personnages du film. Et il y a donc une réflexion et un certain décalage par rapport à ce qu'ils vivent. D'autre part, la réalité elle-même appelle ce décalage parce que c'est un personnage en crise. Donc, il essaie à certains moments de se concentrer sur lui-même et il y a un décalage naturel. D'ailleurs, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la réalité exacte du comportement des personnages. Vous avez des personnages qui sont expansifs, qui sont prodigues de leurs paroles et de leurs gestes. Et puis il y en a d'autres qui sont rentrés, il y en a d'autres qui sont à cheval. C'est extrêmement composite, la réalité. Le fait que certains jeux apparaissent comme décalés ne veut pas dire qu'ils soient contraires à la réalité. Elle est tellement vaste, la réalité, il n'y a pas un seul comportement. Et c'est l'orientation même du jeu de l'acteur, surtout depuis le muet, qui fait croire que le réel, c'est une certaine expansion directe dès la première seconde, à la fois des gestes et des sentiments. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. Mais est-ce qu'on n'assiste pas actuellement justement à la mise en question du... Enfin, je veux dire, après Bresson, de toute façon, il y a une chose que je me dis très souvent, c'est pourquoi est-ce que le cinéaste n'aurait-il pas les mêmes droits que celui du peintre ou... C'est-à-dire que les peintres nous ont accoutumés à travestir la réalité, à mettre la couleur à côté du dessin, à faire des caricatures, ou au contraire à faire des choses tellement vraies qu'elles deviennent fausses à force de réalisme. Pourquoi est-ce que le cinéma n'aurait pas tous ses droits sur le jeu du comédien? Ce qui me fait dire ça, ce sont les films que je vois aujourd'hui où les acteurs jouent bien et ça me gêne terriblement. Moi. Enfin, ça me gêne autant que ça pouvait gêner Bresson au moment où il le disait. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là? Oui, ben, il y a des directions nouvelles au point de vue jeu. Le jeu, par exemple, de Jean-Pierre Léaud dans pas mal de films, de Pierre Clémenti, de Vittorio Gassman dans Brancaleone, par exemple, qui est très intéressant, montre qu'il y a des directions fantastiques de jeu, enfin, qui sont du domaine du fantastique. Il y a des domaines du réalisme. Cela dit, je pense que c'est un film qui, sur le jeu... me paraît assez réaliste, mais on a une fausse idée du réalisme. Après avoir vu les films de Bresson, par exemple, j'ai attaché plus d'importance ou d'intérêt aux gens que je voyais dehors. Je me dis, finalement, est-ce que c'est ça la réalité? Et comme ça, en regardant les gens au cours de la vie ou aux terrasses des cafés ou un peu partout, on s'aperçoit que la restitution des gens tels qu'on l'a fait au cinéma... correspond à la restitution de certains cas tout à fait particuliers qui sont spectaculaires mais qui ne correspondent pas à la réalité de l'ensemble des gens. Je ne veux pas dire que tous les gens sont dans la vie comme dans les films de Bresson qui reflètent d'ailleurs une direction tout à fait subtile que je ne veux pas évoquer ici parce que ça nous entraînerait assez loin, mais il y a un tas d'actions possibles des gens dans la vie et elles doivent être reflétées au cinéma. Il suffit de regarder autour de soi et voir que la façon dont les acteurs jouent dans les films, bien souvent, n'est qu'un reflet très très limité de la réalité. Conventionnel surtout. D'ailleurs, ça c'est l'héritage en fait du théâtre, c'est que c'était un univers de convention. Bien, alors avec les films de Luc Moulet, on sort complètement de cette convention, et il nous reste une chose à espérer, c'est que nous pourrons revoir ses premiers films, ce qui est une chose importante. Je crois qu'il faut espérer que nous verrons un jour dans une salle et que des gens pourront voir réellement. Il le faudrait, parce que c'est un film qui justement pose des problèmes qui concernent énormément de gens. Je pense à celui-là, mais je pense aussi à Billy the Kid, que nous attendons de voir ces films dans des salles. Notre vœu a été entendu puisque Anatomie d'un rapport est projeté à partir du 26 septembre dans une salle parisienne. Mais notre émission n'est pas finie pour autant puisqu'il nous reste à entendre le point de vue de Antonietta Pizzorno, qui a conçu et réalisé le film au même titre que Luc Moulet. Ma première question est évidente. Lequel des deux a-t-il eu primitivement l'idée d'aborder un tel sujet? Ça, c'est une question qu'on débat depuis longtemps. Moi, personnellement, je ne sais pas qui a été le premier à avoir eu l'idée. Luc Moulet soutient que c'est lui, peu m'importe. Et ceci dit, à partir de là, bon, on a décidé de faire ce film avec les moyens qu'on avait. Et l'intérêt que je voyais de faire ce film, c'était la possibilité de restituer et voir comment j'aurais pu restituer une période de ma vie. Et ça, ça a été, enfin, de ma part, c'était très, très rigoureux, tout en voulant laisser mes contradictions, mes pensées suspendues, mes compromis dans le rapport. J'ai pas voulu du tout montrer un couple qui se libère, ou une femme qui se libère. Selon moi, les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est difficile de trancher les choses si nettement. C'est à cause de ça que, par exemple, j'ai refusé la fin du film que Moulet proposait, c'est-à-dire de terminer sur un acte final. Selon moi, c'est un discours qui continue et c'est un film qui continue. Parce que la vie continue. Parce que la vie continue, parce que on change, parce que là c'était la restitution d'un moment, mais qui a plein d'évolutions. Et pourtant, je n'aurais pas pu terminer le film avec un mot de fin. Très bien, d'ailleurs, c'est un des rares films, je crois, à ma connaissance, où le mot fin lui-même soit mis en question. Oui, de ma part, oui. Parce que par contre, Luc Moulet. Oui, mais enfin, il aimait bien ça. Oui, mais alors, sur l'écran, précisément aujourd'hui, quand on voit le film aujourd'hui, il y a plusieurs fins proposées au spectateur, enfin, je veux dire, successivement, avant le coupé ultime, qui n'est qu'un coupé, c'est-à-dire qui n'est pas un mot fin. Oui, exactement, mais ça, c'est... disons que ça sort de la structure du scénario, arriver jusqu'à ce point où maintenant il y a fin, et le dernier mot était de Moulet. Et moi, après quelques jours de réflexion, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas accepter son mot fin, sa façon de terminer le film. C'est pour ça que j'ai voulu chercher quelque chose d'autre. J'arrivais pas, en effet, à trouver une autre fin. Et ce que je pensais, c'est de restituer les discussions qu'on a eues. C'est-à-dire d'intégrer dans le film les discussions même qui avaient lieu sur le film. Et ça, c'est la dernière partie du film. Bien, alors, dans le vécu même, puisque vous parlez du vécu, Luc Moulet nous a dit que ce chèque providentiel, enfin, ce virement providentiel produit par une erreur d'ordinateur, qui est une chose vraie, qui paraît une fiction totale dans le film, mais qui est une chose vraie, donc la possibilité de tourner ce film, donc lui, il raisonne d'une manière très pratique, comme d'habitude, il dit que le seul moyen de faire un film, c'était précisément de se conformer aux moyens du film, c'est-à-dire au peu d'argent dont vous disposiez, et vous décidez de le faire. Alors, comment ça s'est passé pour l'écriture du scénario? Est-ce que ça s'est fait en collaboration? Alors, on a commencé séparément, et puis on a vu que tous les deux, à peu près, on avait commencé sur les mêmes choses. C'était un commencement commun, bien qu'on écrivait séparément. Et donné que la première partie, tous les deux, on le ressentait comme un conflit assez serré, on a pensé, enfin moi j'ai pensé, que c'était mieux si on pouvait l'écrire à deux en reprenant du vif le débat, la dialectique qu'il y a dans la première partie. Alors là, c'était, on s'est presque enfermé 3 jours dans une chambre, en dehors de Paris. Et voilà, stimulation, questions, réponses, et voilà, surtout la première partie. Et puis en gros, ça a été défini toute la structure du film qui a évolué avec des scènes que j'ai ajoutées, qu'il a ajoutées. Alors, Luc Moulet a voulu jouer son propre rôle. Et moi, j'ai préféré déléguer quelqu'un par la simple raison que j'avais peur qu'en jouant et en même temps avoir la charge de la mise en scène, j'aurais pas pu maîtriser le film avec je voulais un regard et j'ai préféré qu'il soit une actrice, une copine qui joue dans des films. Et qui joue mon rôle. Alors, moi, j'interviens à la fin. Alors, c'est une question qu'on s'est déjà posée dans cette émission au cinéma des cinéastes. Est-ce que c'est possible d'avoir sur un film un auteur double ? Un auteur double dans le sens que l'acteur participe à la création d'une façon... Non, je pense au fait que c'est un film de... Luc Moulet et d'Antonietta Pizzorno. Oui. Est-ce que le film vous paraît être un film d'auteur ? Enfin, je veux dire, quand on dit auteur, on entend par auteur unique. Encore qu'il y ait des exceptions. Enfin, il y a les troupes qui travaillent ensemble. Jean-Marie Stroh et Daniel Huillet. Oui, alors on peut avoir deux personnes qui travaillent ensemble, une homme et une femme, par exemple, qui arrivent à une forme unique. Mais je ne pense pas que là, c'est le cas, par exemple, du film où... je crois qu'on voit bien le féminin et le masculin. Il y a les scènes que je tournais seule. Je pense que Moulet n'aurait jamais pensé les tourner. Enfin. Donc les scènes où il y a la fille, c'est moi qui dirigeais. Les scènes où il était seul, c'est lui qui dirigeait. Les scènes où ils étaient ensemble, on était tous les deux à diriger. Alors, on voit bien la différence. Il n'y a pas quelque chose de... Il se produit donc une sorte d'enrichissement de la matière plutôt qu'une sorte d'appauvrissement par contradiction. Je veux dire qu'il se produit un enrichissement de la matière du fait qu'il y a deux regards et que donc il y a des ajouts carrément de matière, enfin genre de temps. C'est ça l'intérêt que j'ai trouvé de faire un film à deux. Enfin, avec ce sujet en particulier, où porter à cet enrichissement le fait d'être un deux, un homme, une femme. Sinon, je ne vois pas pourquoi on devrait faire des films à deux. Est-ce que je peux dire quelque chose là ? C'est que si on a tendance à dire que c'est le film de Moulet, c'est peut-être parce qu'il joue. C'est peut-être parce qu'il a eu l'incroyable audace que lui seul peut-être... en France, sinon au monde, aurait qui est d'aller jusqu'au bout, enfin de mettre son propre corps, son propre visage, sa propre façon de parler en jeu sur un écran et dans des circonstances qui sont encore terriblement, malgré tout ce qu'on a pu voir sur le plan sexuel, je crois que personne n'a encore été jusqu'à avoir l'honnêteté, je veux dire, de se mettre soi-même dans son lit, de montrer son propre sexe et de montrer sa propre infortune et sa propre misère sexuelle, puisqu'en plus, c'est pas un amant de compétition. Enfin, je veux dire qu'il va jusqu'à avouer sa misère morale et sa misère sexuelle. Oui, dommage qu'il ne voulu pas. Il reste misère. Sa misère reste misère, je veux dire. Tout le long du film... on perçoit quelquefois, mais jusqu'à la fin, il bouge pas. Enfin, c'est assez immobile dans son... Les stimulations qui apporte la fille le font pas tellement bouger, je trouve. Mais ça... Et dommage qu'il bouge pas dans la vie ou dans le film ? La vie, le film, ça ressemble beaucoup. C'était le cinéma des cinéastes. Claude-Jean-Philippe recevait Luc Béraud, Luc Moulet et Antonietta Pizzorno à propos du film Anatomie d'un rapport, première diffusion sur France Culture le 26 septembre 1976. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.